équipe de Haltech. À l'aube de la nouvelle année, toute l'équipe de UAP Napa de Chibougamau profite de l'occasion pour souhaiter une très belle période des fêtes à toute notre distinguée clientèle et vous remercie de leur encouragement pendant l'année qui s'achève et vous demande d'être extrêmement prudent pendant cette période de réjouissance. UAP Napa au 890 3e rue à Chibougamau au numéro de téléphone 418-748-6426. La direction et le personnel du marché Richelieu épicerie Flora Lachance de Saint-Prime vous souhaitent une heureuse période des fêtes. Que la nouvelle année vous apporte paix, santé, bonheur et qu'elle comble vos moindres désirs. Depuis maintenant 62 ans, nous prenons plaisir à vous servir. C'est d'ailleurs pour vous remercier de votre support indéfectible que nous avons complètement rénové notre espace et nos équipements au cours de la dernière année, soucieux d'être à la hauteur de vos attentes, chers clients. Nous serons honorés de continuer à bien vous servir en 2018. De la part du marché Richelieu, épicerie Florent Lachance de Saint-Prime, joyeux Noël et bonne année. Direction du club de golf de Chibougamau, Chaparral, son personnel et moi-même, Michel Lallemand, le directeur général, sommes heureux de vous transmettre nos meilleurs vœux pour la période des fêtes. Que la prochaine saison soit remplie de bonheur et de joie et à tous les amateurs de golf de notre secteur, de même qu'à tous ceux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la plus heureuse période des fêtes. On va parler de golf avec notre ami Martial Bouchard. C'était l'Assemblée générale du club de golf de Saint-Prime hier. Salut Martial! Salut Danny! Martial, donc l'année 2017, comment ça se termine? Ben, ça se termine un petit peu sur une base décevante au niveau des chiffres en valeur absolue. Là, on a généré un déficit de 33 000 avant amortissement et intérêt. Par contre, évidemment, avec toute la reconfiguration du site, etc., là, il y a de l'affectation de dépenses qui n'est pas tout à fait précise. Là. Fait qu'il faut se fier plus sur nos budgets pour les prochaines années pour savoir vraiment qu'est-ce que le golf, de quoi on est capable d'en tirer. Mais si on additionne les intérêts et les amortissements, là, on a quand même un déficit important là, au-delà de 93 000 $. 93 000 $ après amortissement, c'est quand même incroyable, pareil. Hein? C'est, je veux dire, puis comment t'expliques ça, la mauvaise température? Ben, c'est sûr que le début de saison était atroce. Là, donc, ouais. Avant le milieu de juin, il ne s'est pas passé grand-chose. Mais en plus que nos verres ont mal sorti, donc ça a été des coûts importants pour s'assurer... puis quand même, on aurait quand même réussi à avoir un des plus beaux terrains au Saguenay-Lac-Saint-Jean là, pour la saison. Donc, les gens se sont virés de bord assez vite. Ouais. Et puis, évidemment, là, on avait quand même là, 25-30 000 $ de frais financiers qu'on n'aura pas l'an prochain. Fait que des fois, c'est un plus en partant. Et on a bien des petites choses, là, des décisions qu'on a prises aussi là, au niveau administratif, qui fait que l'an prochain, là, on prévoit ramener ça peut-être un déficit là, d'une dizaine de mille après amortissement. Juste vos verres c'était comme une espèce de champignon qu'il y avait, là, ça a fait mal, ça. Est-ce capable de l'estimer? Non, je te parlerai d'une douzaine de mille, là, en partant, là, qu'il faut investir, là, en temps, homme et produit. En temps, homme et pour ramener ça, c'est à part les pertes que tu as eues, parce que ça a dû décourager un paquet de joueurs aussi, ça. Oui, malgré qu'au niveau de l'achalandage, c'est sûr que ça retarde un peu. Quand les gens savent que c'est pas beau, ben ils choisissent un autre terrain. Là. Ouais. Mais disons que c'est plus sur les coûts que ça a fait. Les revenus, ben oui, on en a perdu quelques-uns, mais disons que ça a été moins dommageable sur les revenus que sur les dépenses. OK. Dis-moi, le week-end golf, est-ce que ça, c'est quand même intéressant pour le club? Oui, il y a des parties qui sont très intéressantes. Donc, c'est sûr qu'on va renouveler l'an prochain avec quelques activités là, qui étaient là. Mais on fait un lac à la poule le 20 janvier, là, le conseil de presse ensemble, puis on va essayer de revoir toute l'organisation de ce week-end-là. Donc, ça peut arriver là, qu'on annonce des activités qui vont disparaître, mais on va sûrement maintenir au moins le Saint-Prime Open, là, qui est très, très, très couru par les jeunes. Ben, ça fait parler, hein. Ça fait... C'est... Mais si vous êtes tellement tributaire de la température, tout ce qui s'appelle activité plein air. Regarde la traversée internationale des actionnaires cette année. Il a fait beau dans leur semaine. Oui. Et tu sais, 53 000 de profit, tu sais. Puis avoir le plus beau terrain du monde, puis une saison touristique extraordinaire. Si la température ne collabore pas, le monde n'y joue pas au golf ces journées-là, et ça vous capte. Ah, c'est clair. As-tu des nouveautés? Prévois-tu également des nouveautés au cours? Là, pour l'instant, là, je peux pas annoncer rien de nouveau. C'est sûr qu'on va bien avoir, notre signalisation va être nouvelle. Golf Québec a passé. On sait que notre terrain va être, le coefficient de difficulté va être un petit peu plus élevé selon l'évaluation que Golf Québec en a faite de ce qui était avant. Mais on n'a pas rien de vraiment spécial là, à annoncer pour l'instant. OK. Dis-moi, toi, tu reviens à la présidence, j'imagine? Oui, on a fait l'élection justement des officiers hier soir et j'ai été renouvelé pour un deuxième mandat. Puis Gilles revient, j'imagine aussi, Gilles Larouche? Oui, Gilles Larouche est encore là en 2018 comme directeur général. Ah, donc, c'est bon. On a quand même deux dirigeants qui ont quitté, puis je pourrais profiter de l'occasion pour les remercier, dans André Turgeon et Yves Gravel. Là, puis, André a fait un très gros travail au niveau financier dans le projet de relance du club. Et Yves, c'est un secrétaire que aussitôt le rapport, le projet verbal écrit, il était déjà rédigé et expédié. Fait que, il était très efficace. OK. On a deux nouveaux deux nouveaux qui sont Claude Larouche et Gilles Tremblay. Okay. Il la relève hier soir. Hey, Martial, pendant que j'étais au bout de la ligne, il y a un golf intérieur qui, ça n'a aucun lien, mais ça l'en a un petit peu pareil, là. Golf intérieur pour l'hiver, ça peut pas être méchant non plus, ça peut juste promouvoir le golf. Ben, c'est super bon, non seulement pour le golf, mais pour la garder ton élan, là, et puis tes muscles, là, alertes. Donc, c'est sûr que ceux qui font du golf d'hiver à l'intérieur, quand arrive le printemps, ben les deux premières semaines d'étirement puis d'ajustement, ben ils n'ont pas besoin puisqu'ils ont gardé quand même leur élan tout l'hiver. Okay. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Okay. On a eu un golf virtuel privé là, pendant une dizaine d'années là, à Robertval. Mm. Et puis ça fait toute la différence. Puis même pour la short game, comme on dit, là, ça aide aussi à concentration. Ben, c'est clair. Ben, Marcel, m'a souhaité de joyeuses fêtes. C'est pas mal le fun de travailler avec vous autres, le club de golf de Saint-Prime. On sent que c'est dynamique, c'est un déficit, mais coudonc, c'est que tu veux, c'est l'avenir, c'est ça, le club de golf à cette heure, là. C'est que tu veux, je te dis. Oui, c'est ça, quand on se compare, on se console, hein. On a vu des pires que nous autres. Oui, effectivement. Et puis, autre élément, c'est que, tu sais, dans les clubs de golf, là, il va en disparaître, là, un sur cinq dans les 10 prochaines années. Fait que, ben, il y en a eu 11 l'année passée qui ont fermé. Effectivement. Au Québec. Mais c'est ça. Mais nous, en tout cas, là, pour l'instant, là, le budget qu'on s'est fait pour 2018 est un budget très réaliste et on a une grosse confiance qu'on va rentrer dedans. OK. Ben, Marcel Bouchard m'a souhaité des joyeuses fêtes. Bonne année. Oui. Beaucoup de santé en 2018 et au plaisir encore de se reparler, des fois en tant que président, des fois en tant que vendeur et des fois en tant que rien. Fait que... OK, ben, je vais souhaiter la même chose, Annie, et tous tes auditeurs également. Ben, Marcel Bouchard, le président du club de golf de Saint-Pierre.